reste pas là. Seul, seul, au fond de moi, je suis la proie de tant de froid quand t'es pas là. Oh oh oh, babe, emmène-moi loin, loin de ce sous-bois. Dans quelque auberge, je veux de voir qui sert de si bon petit plat. Et je me souviens aussi haut que trois pommes, servile et docile, un peu imbécile, à chercher sous les jupes des filles des réponses à mes angoisses. Et j'ai suivi ma petite Cécile un beau matin de avril, à ramper à genoux, à chercher dans la boue des cloches de la patte qui se sont égarées. Oh, babe, me laisse pas là, seul, seul, au fond des bois, je suis la proie, attends des proies quand t'es pas là. Oh, oh, babe, emmène-moi loin, loin de ce sous-bois, dans quelque auberge, je veux des bois qui servent aussi mon petit plat. Un peu plus haut que trois pommes, servile et docile et toujours imbécile, à croire encore aux filles pour soulager de ce qui me tracasse. Et j'ai suivi ma bien-aimée un beau matin du mois de mai, à devoir lui prouver mon amour couché dans les forêts. Mais tout ce qui plante, tout ce qui sort, pas forcément du vieux. Oh babe, me laisse pas là, seul, seul, au fond des bois, je suis la proie, attends des froids quand t'es pas là. Oh, oh, oh babe, emmène-moi loin, loin de ce sous-bois, dans quelque auberge au feu. Exploser les trois pommes, plus trop servile mais encore imbécile, à effacer le rire, j'ai sublimé tous mes tracas. Et j'ai subi un bel Hélène, d'un pot trois mains, le capitaine, arrimé à la poule et j'ai parlé remous. Je rêve, je sens, je rue, je suis les flaques de secours. Oh babe, me laisse pas là, seul, seul, au fond des bois, je suis la proie, attendez-moi quand t'es avec moi. Oh oh oh babe, emmène-moi, oh oui, à tous tes combats, je suis tombé à coups de vin quand